France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat de Thomas Sankara, une exécution programmée. Le 15 octobre 1987, le président du Burkina Faso, l'ancienne Haute Volta, est tué par un commando envoyé par son bras droit et ami Blaise Compaoré, qui s'empare ainsi du pouvoir et qui met fin à une expérience unique, la révolution sankariste. Celle-ci a duré un peu plus de 4 ans et a marqué l'histoire non seulement de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, une ancienne colonie française qui compte aujourd'hui 22 millions d'habitants, mais de l'ensemble du continent africain. Sankara, que l'on surnomme parfois le Tché africain, est une icône aujourd'hui sur le continent noir. Il faut dire que ce n'était pas un dirigeant comme les autres. Il était en avance sur son temps. Féministe avant l'heure, écologiste qui avait pris très tôt la mesure du dérèglement climatique, intransigeant, il ne tolérait aucun privilège et il n'était pas du genre à mâcher ses mots. Ses discours enflammés à la tribune de l'ONU ont marqué les esprits. Idéaliste, il voulait transformer son pays et il pensait qu'il fallait pour cela s'émanciper de toute forme d'impérialisme, notamment de la France-Afrique. De quoi se créent bien des ennemis dans son pays comme sur la scène internationale, il en était conscient. Notre invité aujourd'hui, Guy Delbrel, il fut un proche conseiller de Thomas Sankara. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Rémi Carayol, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ouagadougou, 15 octobre 1987. C'est un jeudi. Et le jeudi, dans le Burkina Faso de Thomas Sankara, c'est jour de repos pour les enfants, il n'y a pas classe. C'est aussi jour de sport de masse. Tous les Burkinabés sont invités à faire un peu d'exercice physique. Oui, tous, y compris les hauts fonctionnaires, les ministres et le président lui-même, qu'il n'est pas rare de croiser sur un terrain de sport vêtu d'un jogging et équipé d'une paire de baskets. Sankara, qui a une vie d'asset, ne boit ni alcool ni café, il mange peu et croit en la formule « un corps sain dans un esprit sain ». Mais ce jour-là, celui qu'on appelle le PF, le président du Faso, n'a pas beaucoup dormi. Il a écrit une bonne partie de la nuit en prévision d'une réunion importante qui doit se tenir dans la soirée. À 20h, les membres de l'Organisation Militaire Révolutionnaire, l'OMR, qui regroupe le noyau des officiers progressistes au pouvoir, doivent se retrouver pour aplanir leurs différends, car ils sont nombreux et l'heure est grave. La révolution à marche forcée que le capitaine Sankara a imposée au pays depuis qu'il a pris le pouvoir le 4 août 83 suscite des tensions jusque dans son propre camp. On y voit des dérives, des réticences et même des conspirations. Déjà, en avril 86, Sankara n'avait pas mâché ses mots pour dénoncer les ennemis de l'intérieur. Il faut comprendre qu'à l'intérieur même des anciens se trouvent des tortues à double carapace. Il se trouve à l'intérieur des anciens, des hiboux au regard gluant, qui pensent et estiment que, comme au jeu de dames, la révolution vient de faire une ouverture très dangereuse dont ils vont profiter pour s'installer afin de retrouver leur sport favori, à savoir les intrigues, les complots, les règlements de comptes, les dénigrements, l'exploitation et que sais-je encore. Eh oui, les intrigues. Depuis quelques mois, elles se multiplient à Ouagadougou. On ne compte plus les textes diffamants écrits sous l'anonymat, imprimés sur des feuilles A4 et distribués de la main à la main. Insultes contre insultes, les Ouagalais assistent à une véritable guerre des tracts. Une guerre fratricide qui oppose les révolutionnaires entre eux. Et c'est pour y mettre un terme, justement, que Sankara voulut réunir ses frères d'armes dans la soirée, ceux avec qui il dirige le pays depuis 4 ans et 3 mois maintenant. Ils ont pour nom Blaise Compaoré, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lengadi et les autres. Et avant cette rencontre cruciale, il enchaîne les rendez-vous. Dans la matinée, il doit échanger avec un de ses plus fidèles conseillers, Valère Sommet, un idéologue de la révolution aussi brillant qu'irascible, qui a la confiance du chef, mais qui s'est fait de nombreux ennemis au sein du pouvoir. Ce médailleur est inquiet. Il y a 2 semaines, dans la ville de Tengodogo, l'un de ses homonymes, Jonas Sommet, un représentant des étudiants connu pour être un protégé de Blaise Compaoré, a osé s'opposer publiquement à la volonté de Sankara d'unifier les organisations révolutionnaires. L'incident n'est pas passé inaperçu. Un tel affront, ce n'est pas bon signe, estime Valère Sommet. Mais Sankara se veut confiant. Tout va rentrer dans l'ordre, lui assure-t-il, avant qu'il ne se quitte. Jonas Sommet, justement, l'étudiant. Sankara doit le recevoir autour de midi. Le jeune militant a demandé l'entretien pour s'expliquer. Parce que Sankara ne lui en veut pas. Pour lui, l'incident est clos. Après ce bref échange, le président demande à sa secrétaire de mettre au propre le texte sur lequel il a planché toute la nuit et une partie de la matinée. Puis il file déjeuner avec son épouse, Mariam, et leurs 2 enfants, Philippe et Auguste. En milieu d'après-midi, il a rendez-vous avec les membres du cabinet spécial qu'il vient de mettre en place dans le but de réorganiser les instances dirigeantes du pays. Sankara souhaite prendre du recul. Il veut se consacrer davantage à la mobilisation des masses et au travail théorique. Le rendez-vous en question a lieu au Conseil de l'Entente, un ensemble de plusieurs villas situées au cœur de Ouagadougou, qui sert de siège au Conseil national de la Révolution, le CNR, l'instance suprême du régime. Le temps pour Sankara de faire une sieste, comme chaque jour ou presque, d'enfiler un t-shirt blanc et un jogging rouge, il a sport après, puis d'empoigner son pistolet automatique, et le voilà qui monte dans sa voiture de fonction. Pas une berline, non. Non, une bonne vieille R5, noire. Et il en est ainsi pour l'ensemble des membres du gouvernement. Comme le rappelait en 2015 sur RFI, l'ancienne ministre du budget, Adèle Ouédraogo. Avec Sankara, il fallait que les autorités donnent l'exemple, que nous soyons des modèles. Donc la modestie était prônée d'abord au niveau des premiers responsables. Je prends l'exemple de nos véhicules de service. C'était des R5, des tout petits véhicules, mais qui roulent, c'est l'essentiel. Donc, tous les ministres, y compris le président lui-même, avaient une Renault R5, les véhicules du président et de l'ensemble des ministres. Il est 16h20, Sankara est en retard. Comme d'habitude, il prend place à l'avant de la voiture, à la droite de son chauffeur. Un garde du corps, lui, est à l'arrière. Et une voiture occupée par 4 autres militaires chargés de sa sécurité les suit. Lorsqu'il arrive, vers 16h30, tous les membres du cabinet l'attendent. Ils sont 6. Il y a là Paulin Babou Baboumni, le directeur de la presse présidentielle, l'adjudant Christophe Sabat, secrétaire permanent du CNR et déconseiller, Bonaventure Compaoré, Frédéric Kemdé, Patrice Zagré et Alouna Traoré. Et aussi sont en tenue de sport. À 16h35, Thomas Sankara s'assoit autour de la table. À sa gauche, Alouna Traoré, qui revient d'une mission au Bénin, prend la parole. Mais soudain, un bruit de peau d'échappement couvre sa voix. Puis c'est le vacarme de Kalachnikov. Les 7 hommes s'aplatissent au sol, ils ne le savent pas encore. Mais dehors, un commando vient de liquider la garde rapprochée du président. « Sortez !» entend-il alors. La suite, c'est Alouna Traoré, survivant de la tuerie, qui la raconte au micro de RFI. Thomas Sankara se lève, il dit « Ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin. » Il tire son survêtement vers le bas et les mains en l'air. Il sort de la salle et il est cueilli, froidement abattu sur le perron donc, de la salle de réunion. Et tous ceux qui sont sortis, c'est... Ils ont connu le même sort. On vous intime, sortez, sortez, sortez. Vous êtes obligés de sortir. Sortez, sortez, sortez. Même qu'ils aient abattu celui qu'ils voulaient, c'était sortez, sortez, sortez. Et tout le monde, les gens sortaient par la même voie unique de sortie. Et ceux qui étaient sortis avant moi ont été laminés, ont connu le même sort que le PF, le président du Faso. Et moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Après moi, il n'y avait plus personne. Tout s'est passé en quelques minutes. À 16h45, 13 cadavres obstruent l'entrée de la villa. Il y a là Sankara, son chauffeur, 5 membres de son cabinet, 5 gardes du corps et un gendarme qui passait par là. Seul Alouna Traoré a échappé à la mort. Sorti par les derniers, il s'est jeté au sol, au milieu de ses camarades dont il entend maintenant les râles. Ensuite, Et pendant des années, Aluna Traoré se fait le plus discret possible. Parce qu'il a peur, et il a raison. Après le 15 octobre, de nombreux sankaristes sont arrêtés, certains sont torturés, d'autres disparaissent. Traoré ne parle qu'une fois, quelques mois après la tuerie, alors qu'il a fui le pays et qu'il se déguise pour ne pas être reconnu. Interrogé par un journaliste de Jeune Afrique, il raconte l'assaut en détail. Il dessine même un croquis. Où étaient placés les membres du cabinet durant la réunion? Où étaient les corps une fois l'attaque menée? Où se trouvait le véhicule des assaillants? Mais après cela, on ne l'entend plus pendant des années. Il ne témoignera qu'après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, chute sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. En attendant, revenons aux minutes qui ont suivi l'attaque. Il est 17h. Dans la capitale, la fusillade n'est pas passée inaperçue, évidemment. Mais personne alors ne sait de quoi il s'agit. Les militaires sont sur le qui-vive. Tout le monde se dépêche de rentrer chez lui et de se mettre à l'abri. Mariam Sankara est immédiatement mise en sécurité avec ses deux garçons. Elle ne le sait pas encore, elle vient de perdre son mari. Comme souvent lors d'un coup d'État, la radio nationale interrompt ses programmes et diffuse de la musique militaire. Mais ce n'est que le soir, un peu après 19h, que les Burkinabés apprennent la terrible nouvelle. À la radio, un lieutenant lit un communiqué au nom d'une entité jusqu'alors inconnue, le Front Populaire. Proclamation. Le Front Populaire décide de mettre fin en ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la révolution d'août. À la faveur des méandres de l'histoire, cet autocrate s'est hissé à la tête de notre révolution pour mieux l'étouffer de l'intérieur. Cette haute trahison s'est illustrée par le bafouement de tous les principes organisationnels, la personnalisation du pouvoir, la vision mystique quant aux solutions à apporter aux problèmes concrets des masses, toutes choses qui ont engendré la démobilisation au sein du peuple militant. Le Front Populaire proclame. Le Conseil national de la Révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. Pour le Front Populaire, le camarade capitaine Blaise Compaoré. Voilà, le coup d'État est consommé. Et c'est Blaise qui en est l'auteur. Blaise, l'ami de Thomas depuis des années, son cadet 2 ans, un véritable frère que ses parents considèrent comme l'un de leurs fils et qui venait régulièrement déjeuner ou dîner à la table de la famille. Blaise, celui en qui Thomas avait une confiance absolue, pour ne pas dire aveugle. Blaise Compaoré. À vrai dire, dans l'entourage de Sankara, personne n'est surpris. Voilà bien longtemps que ses conseillers l'alertaient sur les manigances de son ami, sur ses ambitions, qu'il n'a d'ailleurs jamais cachées, ou encore sur ses amitiés suspectes, surtout depuis qu'il a épousé en 1985 Chantal Terrasson-Lefougère, une ivoirienne de la haute bourgeoisie, dont le père est un proche du président Félix Houphouët-Boigny, l'ennemi juré de Sankara. Avec ce mariage, je perds un ami, un frère et un camarade, avait soufflé Sankara à l'époque. Il ne croyait pas si bien dire. Mais il ne voulait rien entendre aux avertissements de son entourage. « Jamais je ne m'attaquerai à Blaise », répondait-il à ceux qui l'exhortaient à prendre les devants. Erreur fatale. Après la mort de Sankara, une chape de plomb s'abat sur le Burkina. La réécriture de l'histoire est en marche. Sankara est qualifié de traître, d'autocrate, de misogyne. Les nouveaux maîtres du pays parlent d'une dégénérescence, d'un écroulement de la révolution. Il faut donc la rectifier. En réalité, y mettre un terme. Et tout est bon pour disqualifier celui qui n'est plus là pour se défendre. Pour cacher la vérité aussi. Dans la nuit, alors qu'un couvre-feu était instauré, les 13 cadavres sont enterrés en catimini dans un cimetière situé à 5 km du Conseil de l'Entente. On est même allé chercher des détenus de la maison d'arrêt pour exécuter la sale besogne. Ils sont une 20aine et ils ignorent tout de ce qui s'est passé dans l'après-midi jusqu'à ce qu'ils découvrent le corps ensanglanté de Sankara. Parmi ses témoins et acteurs malgré lui de cet épisode, il y a Yamba Malik Sawalogo. Il témoigne au micro d'Afrique 21. Nous qui creusions les tombes, on ne savait pas que Thomas faisait partie des tués. Effectivement, lorsqu'on a découvert ça, bon, on était tous glacés. Mais chacun a tenu à creuser la tombe de Thomas. Chacun des 20. Chacun a tenu à mettre sa main, son coup de pioche, coup de pelle pour la tombe de Thomas. Et quand vous regardez, la tombe de Thomas est devant les 10 après et derrière les 10, il y a les deux autres. On a découvert qu'il y avait 13 corps au lieu de 10 comme prévu. Quelques jours plus tard, le certificat de décès de Sankara est publié dans la presse. Sur ce document officiel, signé par un médecin militaire, il est écrit noir sur blanc qu'il est décédé de mort naturelle. Pendant des années, c'est la version des tombeurs de Sankara qui prévaut. Donc, il n'y a ni investigation, ni procès, bien sûr, ni même de sépulture décente ou dommage public. Alors, que disent-ils les nouveaux maîtres du pays, les jours qui suivent la tuerie? Eh bien que c'est Sankara qui allait attaquer, qu'il avait prévu de mener l'assaut lors de la réunion de l'OMR à 20h. Ils appellent cela le complot du 20h. Et que s'ils n'avaient pas réagi avant, ce sont eux, aujourd'hui, qui seraient enterrés à Dagnoa. Ou ailleurs. Ils assurent même que l'ordre n'était pas de tuer le président, mais il aurait tenté de riposter avec son pistolet. Alors, ils ont dû faire usage de leurs armes. Autrement dit, légitime défense. Le 20 octobre 87, 5 jours après le massacre, Blaise Campaoré soutient cette version au micro de RFI dans l'une de ses très rares déclarations publiques sur le sujet. Comme vous le savez, Thomas Sankara, c'est un ami, mais j'aime aussi mon peuple, plus que tout. Je dois reprocher à Thomas Sankara, bien sûr, d'avoir, par moments, méprisé justement les intérêts de ce peuple, d'avoir surtout nié la liberté pour ce peuple, son droit à la parole par rapport aux questions fondamentales de la révolution. Je lui reproche aussi d'avoir à un moment donné pensé que ma liquidation physique, que l'action de destruction des révolutionnaires allait lui permettre de poursuivre ce que lui il considérait comme un objectif fondamental, à savoir asseoir son pouvoir personnel. Selon la version officielle, Blaise Campaoré n'y est pour rien. Non, c'est son entourage qui a agi à sa place, qui a anticipé pour lui. Mais qui croit cette version? Pas les proches de Sankara en tout cas. Très vite, les noms des tueurs circulent sous le manteau. Ce sont les hommes de Blaise, notamment le chef du commando, Hyacinthe Kafando, responsable de la sécurité intérieure du président. Oui, parce que c'est une véritable terreur. Mais ce n'est qu'un simple sergent. Comment imaginer qu'il ait pu agir de son propre chef? Le lieutenant Gilbert Diendéré, alors. À l'époque, Kafando est sous ses ordres. Et Diendéré est un homme clé du régime. Il dirige le CNEC, le Centre National d'Entraînement Commando, basé à Pau dans le sud du pays, une unité d'élite qui emploie les hommes chargés d'assurer la sécurité des chefs de la Révolution. Mais surtout, Diendéré est l'adjoint de Campaoré, son bras droit et son homme de confiance. Selon ce dernier, cité par Ludo Martens, auteur d'un livre en 89 sur la Révolution burkinabé, il fallait arrêter Sankara avant qu'il ne passe à l'acte. Et il a tenté de riposter. Ses hommes ont tiré et, je cite, « la situation a échappé à tout contrôle ». Seulement voilà, dans ce même livre, plusieurs membres du commando soutiennent, sous le couvert de l'anonymat, que les ordres étaient clairs. Il fallait, je cite à nouveau, « neutraliser à tout prix le président ». Or, neutraliser dans le jargon militaire, cela veut dire « tuer ». Est-ce que cela signifie que Diendéré a pu agir dans le dos de Campaoré? Là aussi, les proches de Sankara n'y croient guère. Pour eux, l'assassinat a été décidé en haut lieu. D'ailleurs, les alertes s'étaient multipliées ces derniers mois. Et il était clair que Blaise allait sortir du bois un jour ou l'autre. Gina kabe kasila demiseni ma korobasi madovana. Awara mini do masakara tununa. Mm. Je parle tout le maman. Awarami, Thomas Sankara tununa. Burkina Kabe Kassila, Dimseni Makorobasi Mantovana. Awarami, Thomas Sankara tununa. Awarami, Fa. Awarami, Thomas Sankara tununa. Aujourd'hui, l'assassinat de Thomas Sankara. France Inter, affaires sensibles. Les Burkinabés se réveillent en ce samedi 1er novembre 2014 et pour la première fois depuis 27 ans, leur pays n'est plus dirigé par Blaise Compaoré, le président qui voulait se représenter pour un cinquième mandat et pour cela changer la constitution. Eh bien, le peuple a dit non et l'a contraint hier à démissionner. Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré est chassé de son pays par une insurrection populaire. Des centaines de milliers de Burkinabés sont dans la rue. Celui qui voulait changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir doit fuir la vindicte d'un peuple assoiffé de justice et de démocratie. Et notamment d'une jeunesse qui entend bien reprendre le flambeau de Sankara. Avec l'aide de l'armée française, Compaoré s'envole pour la Côte d'Ivoire. Un gouvernement de transition est mis en place dans lequel figurent des sankaristes. Et immédiatement, l'enquête sur la tuerie du 15 octobre est relancée. Elle, qui était au point mort depuis que Mariam, la veuve de Sankara, avait déposé une plainte en 97. Ainsi, 27 ans après, les langues se délient et la vérité commence à émerger. Le juge d'instruction, un militaire, avance au pas de charge. Les corps du cimetière de Dagnoin sont exhumés. Des tests ADN sont ordonnés, ils ne donneront rien. Des centaines de personnes sont auditionnées et des mandats d'arrêt sont lancés. Contre Compaoré, notamment. Le 11 octobre 2021, le procès s'ouvre enfin. C'est un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui à Ouagadougou, celui de l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 de ses collaborateurs, 34 ans pratiquement jour pour jour après les faits. Hors norme pour le nombre de personnes inculpées, 14, malgré les absences de Hyacinthe Kafando, soupçonné d'avoir dirigé le commando qui a tué Thomas Sankara, et de Blaise Compaoré, l'ancien président et frère d'armes du leader de la révolution burkinabé, accusé d'avoir commandité le crime. Un procès aussi hors norme pour l'épaisseur du dossier d'instruction, 20 000 pages de documents et de nombreuses pièces qui y figurent, et pour une bonne tenue du procès, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises. 14 hommes sont inculpés, mais à la barre, ils ne sont que 12. Deux accusés manquent à l'appel, et pas des moindres. Blaise Compaoré d'abord, le commanditaire présumé. Il vit en exil en Côte d'Ivoire depuis 7 ans, et son protecteur, le président Alassane Ouattara, n'entend pas le livrer à la justice du Burkina. L'autre grand absent, c'est Hyacinthe Kafando, le chef du commando. Celui-là a subitement disparu lorsque l'enquête a été relancée, et personne ne sait où il se trouve. Gilbert Diendéré, lui, est là, en prison depuis 6 ans, depuis qu'il a tenté de reprendre le pouvoir par les armes en 2015. Les autres sont des seconds couteaux. 6 mois plus tard, le 6 avril 2022, après des heures et des heures d'audition, le verdict est prononcé. 6 mois de débat, de plaidoirie, d'interruption politique, juridique aussi, que l'on peut résumer ce matin ainsi, 11 condamnations, 3 acquittements. Parmi les condamnés, vous l'avez dit, trois écopes de la perpétuité, l'ancien président Blaise Compaoré, son chef de la sécurité de l'époque, Hyacinthe Cafando, jugé en leur absence puisqu'ils sont exilés en Côte d'Ivoire, et Gilbert Diendéré, putschiste de 1987, présent, lui, audience. Ils sont tous trois reconnus coupables d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et d'assassinat avec préméditation. Huit autres mis en cause sont condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans de prison. À l'issue des débats, les Burkinabés n'ont pas appris grand-chose. L'essentiel était connu. Ils ont juste eu la confirmation que ce coup d'État était préparé de longue date et que la thèse de l'accident n'est pas sérieuse. Le commando était bienvenu pour éliminer Sankara. Deux questions demeurent, cependant. Tout d'abord, pourquoi Compaoré a-t-il décidé de passer à l'acte et d'éliminer son ami ce 15 octobre 1987 ? Impossible d'en avoir le cœur net puisqu'il n'a jamais été interrogé par la justice. Tout juste, peut-on avancer des hypothèses ? Pour plusieurs témoins de l'époque, le ver était dans le fruit dès le début de la Révolution. Avant même que les officiers progressistes ne s'emparent du pouvoir en 83, Compaoré ne cachait pas son ambition de diriger le pays un jour. Mais il est un homme discret, secret même, et bien moins populaire que le charismatique Thomas Sankara. Il ne pouvait que s'effacer derrière son ami et accepter de devenir le numéro 2. Et puis sur le fond, Blaise n'a pas la même ferveur révolutionnaire que Thomas, surtout depuis qu'il a épousé Chantal. Alors que chez les Sankara, on continue de manger des plats de haricots comme avant, l'ivoirienne, elle, ne cache pas ses goûts pour les produits de luxe, le champagne notamment. Et elle ne se prive pas, dans les dîners, de critiquer l'austérité de la Révolution. Pas de berline pour les ministres, on l'a vu. Mais ces derniers doivent aussi voyager en seconde classe lorsqu'ils se rendent à l'étranger. Aucun passe-droit, aucun privilège n'est toléré. Sankara va jusqu'à refuser que son père aille se faire soigner en France alors qu'il en a besoin et surtout qu'il en a la possibilité en tant que vétéran de l'armée française. Le médecin Daniel Tranchant, qui était chef des services médicaux français au Burkina au temps de la Révolution, a gardé en mémoire cet épisode insolite. Et il le raconte au micro de France Culture. Et donc, je fais un dossier pour le ministère de la Santé, j'envoie ça par voie hiérarchique. Je ne pouvais rien faire d'autre, j'attends un petit peu. Et puis à ce moment-là, un jour où j'étais dans mon bureau, j'ai reçu un coup de téléphone à la présidence me demandant de revenir voir Thomas Sankara. Donc c'était la troisième fois à peu près que je le voyais. Et puis il me dit, mais non, ça n'est pas possible parce que, vous comprenez, si on apprend que j'envoie mon père se faire opérer en France, on va dire, Sankara est un menteur, il est corrompu, je ne suis pas un corrompu, je n'enverrai pas mon père en France. Alors je lui ai dit, mais vous savez que si votre père meurt faute de soins et que la population apprend que vous avez refusé, c'est vous qui allez être l'objet de critiques, pas moi. Eh ben non. Eh ben oui, il était comme ça, Sankara, intransigeant. La révolution exige des efforts de tout un peuple et ses dirigeants se doivent d'être exemplaires, répétait-il. Il était dur avec les autres, dur avec lui-même, trop peut-être. Dès 1983, sa révolution s'attaque à toutes les sphères de la vie publique, mais aussi privée. Il prône l'émancipation des femmes, s'attaque au pouvoir des chefs traditionnels, dénonce les privilèges de la bourgeoisie. Il promeut l'autosubsistance et pour cela, exige que les Burkinabés consomment local et s'investissent dans tous les grands projets. Ainsi, ce sont de simples citoyens qui posent les rails du chemin de fer censé relier Ouagadougou à la ville de Tambao, au nord. Il fait de la lutte contre la désertification l'un de ses principaux combats. La lutte pour la vaccination des enfants, également, et pour l'éducation des garçons, comme des filles. Bref, il est en avance sur son temps. Mais trop peut-être, là encore. Et puis, les Burkinabés en ont marre des efforts qui leur sont demandés. Ils s'irritent des dérives des CDR, les comités de défense de la Révolution, qui parfois abusent de leur pouvoir. Alors, les forces réactionnaires n'attendent qu'une occasion pour en finir avec ce chamboule-tout épuisant. Et elles savent que les tiraillements dans le camp des officiers sont de plus en plus importants. En 87, Blaise et Thomas ne se voient plus guère. Le temps les a séparés. Leurs amis et conseillers également, qui ne cessent de profiter d'une trahison de la part de l'autre et de l'un. Et une décision va peut-être sceller leur rupture, ou en tout cas l'accélérer. Il s'agit de la création de la FIMATS. C'est la force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, une unité d'élite qui a pour mission de veiller à la préservation des acquis de la Révolution et à la sécurité de ses dirigeants. Bref, une garde prétorienne. Or, ce projet ne plaît pas à Campaoré. Et pour cause. Jusqu'à présent, ses missions étaient dévolues au commando de Pau, qui répondent à ses ordres. Avec la création de la FIBATS, il perd la main. Le 14 octobre, la veille de la tuerie donc, le Conseil des ministres, en l'absence de Campaoré, valide la création de la FIBATS. Alors, est-ce là qui a poussé Campaoré à agir? Peut-être. Mais une autre question se pose, qui reste aujourd'hui sans réponse. A-t-il bénéficié d'une aide étrangère? Ou pire, a-t-il été poussé à tuer Sankara? Et puis, quid du rôle de la France, de la Côte d'Ivoire, du Libéria ou encore de la Libye? Tout cela n'a été qu'effleuré durant le procès. Et pour une raison très simple. Incapable de recueillir suffisamment d'éléments, le juge d'instruction a décidé de disjoindre le volet national du volet international, qui est encore aujourd'hui en instruction et qui n'aboutira peut-être jamais. Pourtant, nombreux sont ceux qui croient que Campaoré n'a pas agi seul, que derrière sa trahison se cache peut-être une ou plusieurs puissances étrangères. On parle de Muammar Kadhafi, donc. Le guide libyen était proche de Sankara. Au début, il l'a soutenu. Mais à partir de 86, leur relation s'est détériorée. Kadhafi a très mal pris ses refus successifs de voir des soldats libyens s'installer au Burkina et prêter main forte au chef de guerre libérien, qu'il appuyait, Charles Taylor. Tiens, Taylor, lui aussi est cité parmi les possibles complices. Mais on parle également et surtout de Félix Mpfouet-Boigny. Et pas seulement pour sa proximité avec Chantal Campaoré. Non, parce que tout sépare l'Ivoirien de son homologue burkinabé, à commencer par leurs convictions politiques. Pour Sankara, Mpfouet est le symbole de la France-Afrique et du néocolonialisme qu'il combat, lui. L'Ivoirien, de son côté, ne cache pas son hostilité à l'égard de ce jeune révolutionnaire qu'il considère comme un irresponsable et qui menace l'ordre sous-régional avec ses diatribes anti-impérialistes et ses discours endiablés, contre la dette notamment. Comme ici, le 29 juillet 87, lors d'un sommet de l'Union africaine. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Cette dernière phrase apparaît aujourd'hui bien prémonitoire. Moins de 3 mois séparent cette déclaration de la mort de Sankara. Mpfouet-Boigny, lui, craint une contagion des idées sankaristes dans son propre pays. Le vieux, comme on l'appelait Bidjan, a-t-il pourtant joué un rôle dans la tuerie du 15 octobre? Jacques Foccart, le monsieur Afrique de Charles de Gaulle, puis de Georges Pompidou et dans une moindre mesure de Jacques Chirac, qui était très proche de Mpfouet, n'écartait pas cette hypothèse. Voilà ce qu'il disait au journaliste Philippe Gaillard au crépuscule de sa vie en 1996. Il n'a certainement pas conseillé à Campaoré d'éliminer Sankara. Mais ce qu'il a pu lui dire, c'est quelque chose comme « C'est vraiment dommage pour votre pays et pour vos relations d'État que votre ami ait un comportement aussi désordonné. » Un feu orange, en quelque sorte. Et voilà qui renvoie aux méthodes de la France-Afrique. Et d'ailleurs, à Ouagadougou, c'est vers Paris que tous les regards se tournent quand il s'agit d'évoquer la dimension internationale du complot. Car là aussi, les relations sont plus que tendues. Sankara ne perd pas une occasion de critiquer l'ancienne puissance coloniale. Et ça ne plaît pas beaucoup à Paris. Sur ce terrain, un épisode a particulièrement marqué les esprits. Une joute verbale qui, le 17 novembre 86, oppose Thomas Sankara à François Mitterrand lors de la visite officielle du président français à Ouagadougou. Un voyage qui intervient quelques jours après d'autres visites, en France celle-là, d'un certain Peter Botta, le président du régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. M. François Mitterrand. Des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont tachée. Ils l'ont tachée de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein ? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Cet échange a laissé des traces. La bravoure verbale de Sankara, la réponse chafouine de François Mitterrand. Mais en réalité, plus que le président socialiste, c'est la droite que Sankara inquiète. Or, depuis 86, celle-ci est revenue au pouvoir, c'est la cohabitation. Jacques Chirac est Premier ministre. Et certaines des prises de position du capitaine Sankara, pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, notamment, ou encore sa proximité avec des régimes ONI, Cuba, la Libye surtout, l'irritent au plus haut point. Sankara dérange, c'est sûr. De là à concevoir son émulation. Certes, ce ne serait pas la première fois que la France place ses pions en Afrique et qu'elle se débarrasse de ceux qui menacent ses intérêts. Mais nombre d'acteurs de l'époque en doutent. Oui, probablement, Paris savait que quelque chose se tramait. D'ailleurs, des émissaires avaient été envoyés par la gauche, par la droite aussi, pour en informer Sankara. Ou pour l'intimider. Et si la France avait fait en sorte de couvrir les coupables? Le saura-t-on jamais? Il n'y a aucune preuve d'une telle implication. Mais que faisaient là ces deux agents de la DGSE française, par exemple, le 16 octobre, au lendemain de la tuerie? Pourquoi ont-ils été aperçus à Ouagadougou en train de manipuler une table d'écoute? L'ont-ils désactivé? Ont-ils détruit des enregistrements dérangeants? Autant de questions qui restent en suspens dans cette affaire qui a marqué l'histoire, non seulement, on le disait au début, du Burkina Faso, mais aussi de l'ensemble du continent africain, et qui continue, 36 ans après, de susciter bien des fantasmes, en France comme en Afrique. Vous écoutez Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Thomas Sankara, notre invité, Guy Delbrel. Bonjour. Bonjour. Proche conseiller de Thomas Sankara, vous faisiez de nombreux va-et-vient entre Paris et Ouagadougou. Quand on parle d'un homme comme lui, quand on fait le récit de sa vie, de ses actes politiques, de sa personnalité, et que comme moi, on n'a pas eu la chance de le connaître, on est fasciné par cet homme. Qui était-il dans la vie? Comment se comportait-il? Parlez-nous de lui, tout simplement, de l'homme, d'abord. Thomas Sankara, profondément, était quelqu'un de libre. C'est un homme libre. Et pas plus à l'ouest qu'à l'est, ses pères chefs d'État ne pouvaient pas concevoir qu'un chef d'État soit libre. Je crois que c'est le premier malentendu qu'il y a eu entre Thomas Sankara et la plupart de ses pères, qu'ils soient africains, pour certains, qu'ils soient occidentaux, européens, français, ou qu'ils soient de l'est. Thomas Sankara était un homme libre. Et son projet révolutionnaire, il disait toujours, nous appelons révolutionnaire faute de mieux, parce que la langue française ne nous a pas donné un mot plus approprié. Qu'est-ce qu'il aurait aimé comme signifier plus que révolution? Je crois que fondamentalement, toute la révolution pouvait se ranger derrière quelques valeurs. Un progressiste, vous le qualifieriez de progressiste, par exemple? Oui, certainement. Progressiste. Donc le contraire d'un révolutionnaire, d'un réactionnaire, quoi. Progressiste patriote aussi. Oui, bien sûr. Oui, il y a des progressistes qui ne sont pas toujours patriotes. Thomas Sankara aimait son pays, il aimait son peuple, il aimait l'Afrique. Ouais. Voilà. Et je crois que les deux valeurs qui résument un peu l'ensemble de ce qui a été fait, c'est, ou les trois valeurs, c'est justesse, justice, équité. D'accord, c'est clair. Pour certains, c'est liberté, égalité, fraternité. Lui, c'est... Redites-le. Justesse, justice, équité. Bien. Il y a l'âge aussi. Il est président à 34 ans, c'est ça? Ça joue aussi l'âge, dans ce contexte-là? Est-ce que ça donne confiance ou au contraire, on s'est dit, ben, c'est un genou quand même? Non, moi je ne crois pas. Thomas Sankara était quelqu'un qui s'était posé des questions depuis de longues années, et beaucoup plus de questions que la plupart des gens qui avaient 50-60 ans à l'époque. Donc, je veux dire des dirigeants burkinabés, voltaïques, on disait voltaïques à l'époque. Et donc, je crois que l'âge de Thomas Sankara n'a pas d'importance. Il a peut-être de l'importance pour son énergie, c'est tout. Ouais. Voilà. Mais au-delà de ça, Thomas Sankara n'avait pas nécessairement préparé l'accession au pouvoir. Oui, d'ailleurs, comment est-il arrivé au pouvoir? C'est ma vision. Je ne prétends pas qu'elle doive s'appliquer à tout le monde ou que tout le monde puisse. Thomas Sankara est quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi. Il était contre les injustices, il était contre la corruption, il était contre les privilèges. Et donc, il essayait de faire valoir ses valeurs au sein des commandos de Pau qu'il dirigeait. Vous avez évoqué Gilbert Diendéré, avant c'était Blaise Compaoré, mais avant c'était Thomas Sankara. D'accord. Et donc, quand il dirigeait ses commandos, il essayait, par exemple, un jour, la pompe de son détachement ne fonctionnait pas, sa caserne. Et donc, ni lui, ni les villageois de Pau n'avaient de l'eau. Il est parti chez le président Elhadj Sangoulé de la Misana, demander une pompe. Et donc, il est parti avec ses gardes, et il a pénétré dans le bureau du chef d'État en disant « j'ai besoin d'une pompe ». Et le village a besoin d'une pompe. Il a ramené une pompe, peut-être 8 jours, 10 jours après, peu importe, et avant de donner l'eau à ses commandos, il a donné l'eau aux gens du village de Pau. Ouais. Et les commandos ont eu l'eau aussi. Voilà. Ça, c'était, je cite cet exemple, il est emblématique de la manière dont réfléchissait et se comportait Sankara, parce que il se comportait toujours comme il parlait. Alors, justement, vous parlez de valeurs. Donc, la population Burkina Faso a dû apprécier ce côté humaniste de Sankara, mais en même temps, sa révolution était morale, et on le dit dans le récit, à un moment, on a un petit peu marre de toute cette austérité, de ces principes, que tout le monde doit faire du sport, on ne doit pas boire d'alcool, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Cette espèce de sagesse, comme ça, est-ce que ça un petit peu quand même lasser le peuple? Peut-être, mais quand Thomas Sankara a pris le pouvoir, il savait deux choses. Il savait déjà que Blaise Compaoré, un jour, lui ferait un croc en jambe. Ça y est, si vous voulez, on pourra y revenir, mais il le savait. Mm-hmm. Et il savait une deuxième chose, c'est qu'il fallait aller très vite. Il fallait travailler jour et nuit, bousculer le temps, les choses. On avait le temps contre soi. Parce qu'il savait que les Burkinabés allaient apprécier les audaces du pouvoir révolutionnaire, les choix du pouvoir révolutionnaire, les libertés nouvelles qu'il apportait aux jeunes, aux femmes, aux désunis, aux paysans. Il savait que ça allait être apprécié. Mais il savait aussi que la bourgeoisie urbaine, qui jusque-là ne contrôlait pas le pouvoir, mais faisait partie des gens qui bénéficiaient par cercle concentrique de ceux qui contrôlaient le pouvoir. Ouais. Et il savait que cette bourgeoisie urbaine-là avait envie d'adhérer à la révolution, mais que, rapidement, elle y trouve pas son compte. Mais oui. Voilà. Je crois que la réalité, elle est celle-là. Donc il était lucide et courageux, parce qu'il savait toutes ces menaces. Je suis convaincu qu'il les savait. Ouais. Donc vous êtes convaincu de son courage. Oui. Bon. Donc il fait part aussi d'un courage intellectuel, lorsqu'il est devant François Mitterrand, quand même. Alors, cette passe d'armes, c'est même pas une passe d'armes, parce qu'il y a un côté bienveillant, mais en même temps, il y a ce qui n'est pas dit, hein, le sous-texte est très important. Il vous en a parlé, vous avez parlé avec Sankara de cet épisode avec François Mitterrand, après, vous avez débriefé ou pas? On a parlé de cet épisode, et je peux en parler, parce qu'à l'époque, j'ai été contacté par M. Edgar Pisani, qui était au cabinet du président Mitterrand, qui m'a demandé d'aller le voir. Je suis allé le voir, je résume rapidement. Il m'a demandé d'amener un de des membres de son cabinet, je le cite, Guillaume Cruz, voir Thomas Sankara, pour lui apporter un message. Et le message, globalement, c'était « Vous n'avez pas que des amis, méfiez-vous. » Et vous, que faisiez-vous avec lui? C'était quoi votre rôle? Moi, je n'avais aucun rôle précis. On s'est rencontrés, on a beaucoup discuté. On a trouvé qu'on avait envie de faire un bout de chemin ensemble. On a fait un bout de chemin ensemble. Et c'est quoi avoir aucun rôle? C'était pas juste vous balader avec lui. Non, non, je me baladais rarement avec lui. Ouais. Voilà. Dans CR5. Non, mais ça, oui, dans CR5, ça nous est arrivé d'aller dans des villages le matin très tôt. Ouais. Je me baladais rarement avec lui. Je me suis forcé de toujours rester à ma place. Mais c'est quoi votre place? Conseiller politique, c'était quoi? Non, j'étais un étranger. J'avais une carte de presse à l'époque. J'écrivais dans plusieurs journaux et j'étais en même temps expert international dans une institution qui s'appelait l'Institut panafricain pour le développement. D'accord. Et donc le travail que je faisais avec Thomas et ses équipes, il était en plus. Ça, je suis un militant, donc c'était le côté militant. Voilà. J'avais fait ce choix-là. Je trouvais qu'il correspondait à quelques-unes de mes priorités. Et de vos valeurs. Et de mes valeurs. Et vous avez créé un rapport d'amitié avec vous, vous iriez jusque-là? Oui. Amitié? Bien sûr. Vous connaissiez alors Blaise Compaoré? Oui. Donc, parle-moi de lui. Est-ce que vous le trouviez inquiétant? Je ne sais pas si on peut le trouver inquiétant. Blaise Compaoré a une constance. Je pense que profondément, il a toujours menti. Et donc, oui, je le voyais très régulièrement. J'étais invité, j'allais même le voir à Pau. À Pau, il partageait son assiette, on mangeait avec une fourchette ou une cuillère, vous voyez, dans la même une assiette plat. Je le voyais après, quand il était marié à Chantal, que vous avez évoqué, Chantal Terrasson de Fougères. J'étais invité chez lui. On avait de bonnes relations. Mais je savais qu'il m'invitait pour essayer de glaner quelques informations. Oui, il n'y avait rien de désintéressé. Enfin, quoi. Je savais, je ne peux pas dire je savais, j'avais la conviction sentiez, oui. qu'il m'invitait pour ça. Voilà. Et le jour du meurtre, le jour du drame, vous étiez où? Le jour du drame, j'étais à Agen, à un forum sur des organisations non gouvernementales. Et quand vous avez appris la nouvelle, vous aviez le choc, non? Oui, oui, oui. J'ai appris la nouvelle à l'époque, c'est le cabinet d'Élysée qui m'a appelé pour me demander si j'avais un avis. Ah ben justement, j'allais vous poser la même question. Bah oui, forcément. Puisqu'on ne sait pas officiellement qui a commandité, qui l'a tué, on a tous des idées, des hypothèses. Les vôtres sont certainement plus solides que les miennes, parce que j'ai pas votre expérience au Burkina Faso. Donc, votre hypothèse privilégiée, c'est quoi? Mais, moi, mon hypothèse, elle est assez simple. D'abord, il y a ce que l'on connaît, c'est les faits que vous avez évoqués. Les faits, c'est Yassine Kafando qui a conduit le commando. C'est vraisemblablement Otis, un ancien garde de Thomas Sankara, que Thomas Sankara avait fichu dehors, parce qu'un jour, Otis s'était permis de prélever dans le stock des cadeaux des chefs d'État une montre de valeur, de qualité, pour se l'approprier. Et ça n'a pas plu à Sankara. Ce n'est pas que ça ne lui a pas plu, c'est que c'était impossible. Ouais. Voilà, c'était rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'Otis quitte la présidence. Et c'était encore de la mansuétude, parce que ça aurait pu être pire. Il aurait pu le mettre en cabane. Il ne l'a pas fait. Ouais. Et donc, quand Otis a quitté la présidence, chassé par les hommes de Thomas, pour avoir volé cette montre, il est allé trouver Blaise. Et Blaise l'a pris sous sa coupe et a demandé à Yassine Kafando de s'en occuper. Voilà, donc la vraisemblance que le tueur soit Otis ou des gens proches d'Otis est réelle. Mais je ne peux pas l'affirmer, je n'étais pas là-bas. Bien sûr. Voilà. En revanche, Yassine Kafando, oui, tout le monde sait que c'est lui. Tout le monde sait que Yassine Kafando n'a pas agi sans le feu vert de Gilbert Diendéré. Mais tout le monde sait aussi que Gilbert Diendéré ne peut pas prendre de décision sans Blaise Compaoré. Rappelons qui il était, Diendéré. Gilbert Diendéré, il était l'adjoint direct de Blaise Compaoré. Je crois qu'à l'époque, il dirigeait le camp de Pau. Oui, c'est ça. Voilà. On le dit dans le récit, mais je... Et donc, à Ouaga, comme en Afrique, tout le monde sait que Gilbert ne peut pas agir sans Blaise Compaoré. Ben oui. Et en même temps, ça c'est ce qu'on sait, voilà. Blaise Compaoré, après, a dit qu'il était malade, qu'il était enrhumé, qu'il était en son lit. Ce qui est certainement vrai. Ce qui traduit le courage de Blaise Compaoré. Ensuite, quand on connaît un peu, là on sort un peu du Burkina, voyez, on sort du pouvoir révolutionnaire, quand on connaît un peu comment se passe la relation entre ces anciennes colonies et la France... Ah, on y arrive. D'une part, quand on sait qu'en France, il y avait, vous l'avez cité, la cohabitation, on sait Et quand on connaît la relation de Blaise Compaoré avec la Côte d'Ivoire, par exemple, nous savions, parce que depuis 85-86, un certain nombre de compagnons de Thomas Sankara ont vu que Blaise faisait des faux pas. Ils ont parlé de ces faux pas à Thomas. Thomas ne voulait pas les entendre. Ils ont même des enregistrements. Thomas voulait refuser d'écouter les enregistrements. Par exemple, vous avez cité Jonas Sommet. Nous avons des enregistrements entre Blaise Compaoré et Jonas Sommet. Et qui disent ? Jonas Sommet lui dit, il faut aller vite. Il faut agir tout de suite. Mmh. Et Blaise lui dit, ça va aller. Donc nous savions tout ça, vous voyez ? Ouais. Et donc, à ce moment-là, nous savions que Blaise se rendait régulièrement en Côte d'Ivoire sans prévenir Thomas Sankara, sans prévenir même son cabinet parfois. Son cabinet qui lui était acquis, mais sait-on jamais. Bien sûr. Alors, le rôle réel ou supposé, bien sûr, de la France dans cette histoire, quel est-il à votre avis ? Mais moi, je... Parce que là, on voit les faits, on sait qui a tué, on connaît les faits, mais on cherche le ou les commanditaires. C'est ça la question, en fait. Déjà, on peut faire avancer un peu sur la responsabilité du président Félix Houphouët-Boigny. Il y avait un général qui voulait tenter quelque chose, je crois, général ou colonel, enfin, je ne suis pas fort sur les grades, Camboulé. Houphouët-Boigny lui donnait quelques subsides pour pouvoir organiser son coup à partir de la Côte d'Ivoire. Et un jour, Houphouët l'a débranché. Ouais. Houphouët a dit, tu t'occupes plus de rien, j'ai trouvé une autre solution, c'est Blaise qui va s'occuper de tout. Donc, parce qu'on est à la fin de l'émission, il reste 30 secondes malheureusement, l'hypothèse Houphouët-Boigny, selon vous, ça tient ? Elle tient. Et Houphouët-Boigny ne peut rien faire sans le feu vert du Premier ministre de la République française. Voilà. Voilà. Bah bon, donc on a résumé. Merci infiniment, Guy Delbrel. Merci pour votre témoignage. Au revoir. Voilà. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Thomas Sankara. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Cailleux.